Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie qui, toute cette semaine, remonte aux sources, remonte au père. Je crois voir ton père. Très cher père. Sache le don une fois pour toutes. L'enfant prend ses deux parents, et surtout l'un d'eux, comme objet de désir. On te parle pas de papa, là. Telle fut la fin de père en tant que chair. À quoi ressemble un père ? Existe-t-il ? Est-il un homme ? Est-il fort ou est-il doux ? Peut-on s'en passer ou faut-il toujours s'ancrer ? Est-il réel ou imaginaire ? Est-ce un modèle ou un rival ? Parce qu'on en a tous un, mais qu'il ne semble jamais parfait, et parce qu'on est toujours l'enfant de quelqu'un mais jamais le bon, on se demande aujourd'hui à quoi sert un père ? Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir le psychanalyste Paul-Laurent Hassoun. Bonjour à vous. Bonjour. Très cher père, tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre. En partie justement à cause de la peur que tu m'inspires, en partie parce que la motivation de cette peur comporte trop de détails pour pouvoir être exposée oralement, avec une certaine cohérence. Et si j'essaie maintenant de te répondre par écrit, ce ne sera encore que de façon très incomplète. Parce que même en écrivant, la peur et ses conséquences gêne mes rapports avec toi. Et parce que la grandeur du sujet outrepasse de beaucoup ma mémoire et ma compréhension. Je ne dis pas naturellement que ton action sur moi soit seule cause de ce que je suis devenu. Ce serait exagéré. Et je tombe même dans cette exagération. Quand j'aurais été élevé absolument à l'écart de ton influence, il est fort possible que je n'eusse pu devenir un homme selon ton cœur. Sans doute aurais-je tout de même été un être faible, anxieux, hésitant, inquiet. Ni un Robert Kafka, ni un Karl Herrmann. Mais j'aurais cependant été tout autre et nous aurions parfaitement pu nous entendre. J'aurais été heureux de t'avoir comme ami, comme chef, comme oncle, comme grand-père, même, encore qu'avec plus d'hésitation, comme beau-père. Mais comme père, tu étais trop fort pour moi. D'autant que mes frères sont morts en bas âge, que mes sœurs ne sont nées que bien plus tard et que, en conséquence, j'ai dû soutenir seul un premier choc pour lequel j'étais beaucoup trop faible. Paul-Laurent Hassoun, vous êtes psychanalyste, professeur émérite à l'Université de Paris 7, centre recherche psychanalyse médecine société, auteur d'une quarantaine d'ouvrages, dont le récent « L'énigme conjugale, psychanalyse du mariage » qui est paru aux éditions PUF. On vient d'entendre, interprété par Thomas Compère-Morel, l'incipit de la lettre au père de Franz Kafka, écrite en 1919, mais jamais remise à son destinataire. Freud avait lu Shakespeare, Sophocle, Dostoïevski. Il est dommage qu'il n'ait pas lu cette lettre au père de Kafka. Oui, alors ça pose la question des choix littéraires de Freud, hein, qui a ignoré certaines œuvres importantes, qui en ont utilisé d'autres. J'avais traité ça dans un texte sur littérature et psychanalyse. Ce qui me frappe beaucoup dans cette lettre, c'est justement, et c'est pas mal de commencer par là, c'est que ça défait un peu une certaine idée de l'Oedipe, du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire que le fils serait considéré le père comme un rival, ce qui est tout à fait vrai, mais aussi il y a une demande d'amour au père chez le fils. On parlera sans doute aussi de la position de la fille, hein, mais c'est ce point qui est extrêmement important. C'est ce que Freud appelle la dimension de bisexualité psychique, je dis bien psychique, qui travaille à l'intérieur même de l'Oedipe. Et ça nous donne déjà une idée de la complexité du rapport du fils à son père, hein, qui est en quelque sorte à la fois une demande d'amour. Cette lettre, c'est une demande d'amour pudique, mais qui est là. Contrariée, à l'envers. Contrariée. Parce que c'est une lettre violente et voilà. Pleine de reproches également. Tout à fait. C'est la tristesse de ne pas avoir rencontré son père, quoi. Vous savez que quand Kafka, auteur énorme, enfin, par sa portée dans la littérature, quand il voulait parler à son père, sa mère, c'est-à-dire l'épouse de son père, lui barrait la route en lui disant « Qu'est-ce que tu veux à ton père ?» Voilà. C'est un point extrêmement important. C'est pas simplement un malentendu entre père et fils, mais c'est d'autre part cette espèce de bloc que formait le couple parental. Et en effet, on connaît bien dans notre clinique ces parents qui s'entendent tellement bien que les enfants peuvent pas trouver totalement place dans la relation au père. Or, c'est un fait, on va voir pourquoi en détail, car il va bien être question, je le dis d'emblée, hein, pas simplement de la personne réelle du père, mais de ce que nous appelons en psychanalyse les fonctions inconscientes du père. Voilà. Alors, je vous pose tout de suite la question, Paul-Laurent Hassoun, qu'est-ce qu'un père en psychanalyse ? Alors, oui, pour répondre à cette question, qui reste en partie une énigme pour l'inconscient, mais une énigme qu'on a beaucoup travaillée, qu'on a fait avancer. Eh bien, c'est précisément, il faudrait plutôt poser la question, quel mode d'emploi peut avoir de son père, un fils ou une fille. Alors, voilà. À quoi sert un père, plutôt? Voilà, à quoi sert un père? Ou comment s'en servir? Voilà, quelques mots-clés. Identification, d'abord. Le point extrêmement important pour qu'un homme se construise, enfin, c'est le rapport au père. Non pas, évitons le mot identité qui est ambigu, il a besoin d'une identification. Une identification souche, en quelque sorte, n'est-ce pas? Quand Freud parle de l'identification, dans un texte qui s'appelle Psychologie des foules, analyse du moi, il fait un petit traité d'identification, il commence par le père. On pourrait dire, mais enfin, on s'identifie à des tas de gens, il y a aussi une identification à la mère, à la fratrie, aux autres dans la société. Mais il pose d'abord le père, pourquoi? Certains crient immédiatement au côté patriarcal de la psychanalyse qui sacraliserait le père. Non, ça part du réel clinique. Je dirais presque que l'identification qu'un fils, je dis à chaque fois un fils parce qu'on reparlera de la fille, a à son père, c'est ce qui lui donne l'idée de s'identifier à quelqu'un. Ensuite, il s'identifiera à d'autres. Mais d'emblée, ce qui frappe, c'est que le père apparaît dans la vie psychique elle-même. Freud dit d'ailleurs qu'il ne peut pas toujours expliquer pourquoi. Il le constate. L'enfant a besoin de cette représentation du père pour soutenir son existence même. C'est-à-dire, à partir de cette identification primitive, vous voyez, il y a deux mots d'ailleurs. Identification, idéalisation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mais d'un côté, c'est un idéal infantile, au-delà même de la formule de l'enfant que tout le monde connaît, hein, mon père est le plus grand, le plus fort, etc. Il y a le besoin, n'est-ce pas, pour être quelqu'un, d'aller prendre, l'identification, c'est aller prendre des propriétés psychiques chez quelqu'un d'autre. Voilà. Un exemple tout simple, il y a des hommes qui en arrivent à une très grande hostilité envers le père, mais dans la famille, on dit, oh, tu t'entends pas bien avec papa, mais tu marches exactement comme lui. Tu parles exactement comme lui. Ce qui montre bien qu'il faut pas confondre ce que le moi du sujet pense, qui n'aime pas son père, et le fait qu'il l'aime par l'identification et par l'idéalisation. Voilà. Donc, c'est ça qui est impliqué dans la vie psychique individuelle. Mais je pense qu'on va parler de totem et tabou. Oui, on en parlera tout à l'heure. Mais au plan collectif, donc. On peut déjà déplier ces idées d'idéalisation et d'identification. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de père? Vous voulez dire de père réel, la personne même du père. Voilà. Voilà. Alors, c'est là où on voit bien le rapport qu'il y a entre... Lacan, pour déjà le nommer, a mis un peu d'ordre, tout en compliquant. Il a mis un peu oui, d'ordre on a là-dedans. Du mal à voir que Lacan mette de l'ordre dans la mesure où il a beaucoup complexifié, en fait, quand il a repris les théories freudiennes. Voilà. Disons, Freud ne fait pas cette distinction, mais elle va nous aider pour comprendre Freud. Il y a le père réel. Le père réel, c'est le bonhomme qui est dans la famille. Bon. Et je dis d'emblée les choses, n'est-ce pas? Pour Lacan, c'est aussi celui qui s'occupe de la mère. Et le garçon et la fille observent bien ce qui se passe au plan sexuel dans le couple parental. Hein. C'est de là que ça part. Hein. Lacan va jusqu'à quand vous dire... dites observer, c'est-à-dire qu'il voit comment l'un et l'autre s'aiment, se regardent, s'aiment, partagent. S'aiment, se désirent, et disons-le, la chambre conjugale du père et de la mère. Hein. S'il y a une absence totale de désir entre le père et la mère, ou si le père est bafoué par la mère, etc., et si je peux dire, la politique du père, politique inconsciente, se fait par l'observation de ce qui se passe dans la problématique conjugale. C'est le père réel. Lacan dit très brutalement, le père réel, c'est celui qui besogne la mère. Vous voyez, il prend le terme besogner qui est un peu, enfin, assez réaliste, hyper réaliste. Voilà. Le père imaginaire, c'est différent. C'est l'image même du père va permettre de le magnifier, hein, et en même temps qui va être un principe de privation. C'est une idée un peu complexe sur laquelle on reviendra tout à l'heure sans doute. Et il y a d'autre part, enfin, peut-être le plus important d'une certaine manière, la fonction symbolique. C'est-à-dire le père, quelle que soit sa valeur, quel que soit son relief, c'est celui qui, le père réel donc, porte cette fonction symbolique. Voilà. Et c'est pas les pères, par exemple, qui sont les plus renommés, les plus brillants, qui accomplissent le mieux leur fonction paternelle. Hein. C'est quelqu'un qui est là, qui fait acte de présence, mais là, au sens positif du terme. Voilà. Mais jusqu'où ces trois fonctions, ces trois ordres de père, de paternité, peuvent se recouper? Par exemple, il peut y avoir un père absent et néanmoins un père symbolique ou un imaginaire bien du sûr. Père. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin, en fait, d'un père réel? C'est-à-dire, j'entends par là, en fait, un père réel que l'on associe tout le temps à un individu de sexe masculin qui a une certaine virilité, qui serait le géniteur, Est-ce qu'on peut se départir de cette image-là du père ? Voilà, vous avez déjà distingué une distinction importante, le géniteur du père, le géniteur du pater. Il faut le dire en latin parce que le père est aussi un concept juridique. C'est extrêmement important pour le mariage que j'ai travaillé dans l'énigme conjugale, c'est-à-dire que le père est le mari de la mère, d'une certaine manière. C'est-à-dire c'est celui qui, en même temps, c'est au nom du père, après on verra ce que Lacan dit, que se fait cette constitution. Mais ne confondons pas le père et le géniteur. Pendant des siècles, on ne s'est pas préoccupé de savoir si le fils ou la fille était vraiment biologique, de nature biologique. Le vrai père, c'est celui qui élève l'enfant. Voilà. Et c'est d'ailleurs avec la problématique... Et c'est forcément un homme ? C'est pas, alors, on va y venir, mais je termine juste avec le père qui est là, enfin, d'une certaine manière, ou qui n'est là. Lacan dit des pères, il y en a toutes sortes. Il y a aussi des pères vadrouilleurs qui vont et qui viennent. C'est pas parce qu'ils ne sont pas là qu'ils n'ont pas de présence symbolique. Voilà. L'enfant, n'est-ce pas, est extrêmement actif. L'enfant au sens freudien, c'est-à-dire il fait avec ce qu'il a. Et il a besoin de cette dimension-là. S'il n'y a pas le père, il aura une suppléance. Voilà. Et à partir de là, se met en place, évidemment, une relation symbolique extrêmement poignante, en un certain sens. C'est pour ça que vous avez bien fait de commencer avec Kafka, parce qu'il y a ce rapport poignant. Pourquoi est-ce qu'il lui écrit ? Parce qu'il ne peut pas lui parler. Voilà. Alors ce point est extrêmement important, parce qu'à partir de là, il va y avoir une demande d'amour, en même temps une demande symbolique. Le lien entre le père, la loi et le symbolique. Pas la loi au sens religieux ou juridique, mais cette dimension, on dit bien sûr qu'il y a un déclin du père, c'est vrai qu'il y a des aspects sociologiques, il y a une crise des idéaux, mais il n'y a jamais en un sens de crise des identifications. Hein. C'est ce qui fait que d'ailleurs, le déclin du père, moi je ne le vois pas au plan symbolique. Par contre, on voit des sujets affolés de ne pas avoir une référence, hein, une référence telle qu'effectivement ils la soutiennent. Alors, du coup, on comprend la question que vous posez, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, dans les mariages, si je peux dire, homosexuels, ou tout simplement quand... ou dans une famille, par exemple, monoparentale, où il y aurait une compagne, un compagnon, une tante, je ne sais pas, un frère, un cousin qui endosserait cette fonction-là, voilà, une amie, le sujet fait qui serait délié d'une sexualité ou d'une sexuation et qui serait juste un référent paternel. Voilà, il fait avec ce qu'il a, il fait avec ce qu'il peut. Et à partir de là, il va se laisser guider par quoi ? Par le désir de la mère. Le cas... Au sens fort, le cas qu'une femme mère fait de son mari ou de son compagnon est absolument déterminant pour l'évaluation même de l'usage que le fils ou la fille peuvent faire de leur père. Voilà. C'est intéressant, Paul Laurent, ce que vous dites. Ça veut dire que ce n'est pas forcément l'enfant ou le père qui font advenir un père, mais c'est la mère qui fait le père ? Eh oui. Lacan le dit, je dirais, pour une fois, c'est simple ce qu'il dit. Il y a des formules, vous savez... Non, il a des formules choc. Oui, il a des formules choc qui sont très éclairantes. C'est la mère qui a la clé. C'est pas le père. Il faut bien distinguer, si vous voulez, une manière de le dire, la puissance de la mère qui est énorme dans la famille. Elle est absolument considérable. Mais c'est ça qui fait peur au père aussi. Eh oui. C'est ce qui explique aussi que certains hommes sont parfois, notamment quand c'est le premier enfant, ils se retrouvent à la maison avec une, je le dis parfois, c'est avec une sorte de Vierge Marie, de déesse mère, comme ça, et un enfant. Et eux, il y a toutes sortes de choses, voire de bêtises qu'ils peuvent faire à ce moment-là, parce qu'il faut quand même trouver sa place, hein. Mais oublions cette idée un peu trop psychologisante que quand on a un père, c'est utile affectivement. C'est pas faux, mais c'est symbolique. Le père est encore plus important qu'on ne le pense. C'est une sorte d'interrupteur, comme on parle d'un interrupteur électrique, qui fait que si un enfant se retrouve seul avec sa mère, c'est pas que la mère soit comment dire nocive. C'est pas ça. C'est qu'il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est simplement la possibilité de séparation symbolique. Voilà. Et c'est le père qui sépare. C'est le père. La mère fait advenir le père qui va la séparer de son enfant. Oui, mais la puissance de la mère est immense. Et l'enfant se développe avec sa mère. Le père, c'est très curieux, n'est-ce pas ? On ne le voit pas venir dans le développement, d'une certaine manière. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, parce qu'il est là, parce qu'il fait de sa présence un acte, qu'il agit. Donc c'est un opérateur psychique, voilà. Donc la mère a la clé, le père est un interrupteur. Voilà, on pourrait... À partir de ce mobilier-là. Je vous propose, Paul Laurent Hassoun, d'écouter un texte de Freud dans lequel il explique le complexe d'Œdipe. Les rapports de l'enfant avec les parents, comme le prouve l'observation directe de l'enfant et l'étude analytique de l'adulte, ne sont nullement dépourvus d'éléments sexuels. L'enfant prend ses deux parents, et surtout l'un d'eux, comme objet de désir. D'habitude, il obéit à une incitation des parents eux-mêmes, dont la tendresse porte un caractère nettement sexuel, inhibé, il est vrai, dans ses fins. Le père préfère généralement la fille, la mère, le fils. L'enfant réagit de la manière suivante. Le fils désire se mettre à la place du père, la fille à celle de la mère. Les sentiments qui s'éveillent dans ces rapports de parents à enfants et dans ceux qui en dérivent entre frères et sœurs ne sont pas seulement positifs, c'est-à-dire tendres, ils sont aussi négatifs, c'est-à-dire hostiles. Le complexe ainsi formé est condamné à un refoulement rapide. Mais du fond de l'inconscient, il exerce encore une action importante et durable. Nous pouvons supposer qu'il constitue le complexe nucléaire de chaque névrose. Et nous nous attendons à le trouver non moins actif dans les autres domaines de la vie psychique. Le mythe du roi Œdipe qui tue son père et prend sa mère pour femme est une manifestation peu modifiée du souhait infantile contre lequel se dresse plus tard, pour le repousser, la barrière de l'inceste. Œdipe, tu as beau être roi de Thèbes, j'ai le droit de te répondre point par point. Sache-le donc une fois pour toutes. L'assassin que tu cherches, l'homme que tu as maudit, le meurtrier du roi Laios, cet homme vit à Thèbes. On le croit étranger, il est thébain. Mais le jour où il saura la vérité sera celui de son malheur. Il voyait, il ne verra plus. Il était riche, il sera pauvre. Il partira sur les routes, il mendiera sur un sol étranger. Il se révélera le père et le frère de ses propres enfants, le mari et le fils de sa femme, le meurtrier de son propre père. Rentre chez toi et réfléchis à ces paroles. Freud n'a pas lu Dostoïevski, mais il a lu Sophocle. Il a lu ce mythe d'Œdipe. Comment en est-il venu, à partir de ce mythe, à en construire un complexe, le complexe d'Œdipe ? Alors, d'abord, vous voyez ce texte très impressionnant, enfin, tragique, hein, qui montre cette dimension du drame ou de la tragédie paternelle. Freud, justement, dans son étude sur les frères Karamazov, remarque que trois grands chefs-d'œuvre, peut-être les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature, c'est-à-dire l'Œdipe roi de Sophocle, d'autre part, Hamlet, hein, de Shakespeare, et enfin les frères Karamazov. Dont on parlera demain, Hamlet. Ça tombe bien, parce que Freud lui-même a écrit un texte qui s'appelle Dostoïevski et le parricide, ou la mise à mort du père, justement. On va revenir sur cette idée du rapport entre les deux. Donc ces trois chefs-d'œuvre parlent tous du père. Ça prouve bien à quel point, vous savez, la grande littérature, plus que la psychiatrie, a été ce qui a précédé la psychanalyse, qui l'a rendu possible. Donc on le savait, beaucoup de choses qu'on sait par la psychanalyse, d'un savoir particulier, scientifique entre guillemets, on le sait dans la littérature. Voilà. Ce que Lacan arrivera après à appeler la passion du père. Voilà. Freud appelle ça plutôt la nostalgie ou le désir ardent du père. Voilà. Alors, l'Œdipe, c'est ça. Je dois signaler quand même que le texte qui a été lu de Freud est un texte très didactique. Alors, c'est un texte extrait, je le signale, des 5 leçons sur la psychanalyse. Donc, c'était la 4e leçon. C'est un texte de 1909 et c'était interprété par notre comédien Georges Fales. Voilà, mais c'est destiné à un public américain en 1909 à Manchester qui ne sait rien de la psychanalyse, ce qui explique l'extrême... Freud n'est jamais simpliste, mais disons qu'il est forcément assez simplificateur là, puisque j'ai commencé en disant que l'Œdipe était... Enfin, en corrigeant un Freud par l'autre, dans le moi et le ça, Freud montre bien que l'Œdipe est aussi une dimension active-passive. Voilà. Alors, ça a commencé par Sophocle, parce que Freud a commencé par constater que quand nous voyons, en tant que public de théâtre moderne, la pièce de Sophocle, ce qui nous touche, c'est qu'avec cette histoire tragique, déjà vue par Sophocle, on revit dans nos familles ce drame. voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on change de scène. C'est-à-dire toute famille est le lieu d'une tragédie souterraine que le créateur de la psychanalyse a mis en évidence, qu'il a dégagé. Voilà. C'est en quelque sorte le Sophocle de la modernité, de ce point de vue-là. Voilà. Et ce qui veut dire que quand on lit l'Œdipe roi, on va spontanément retrouver quelque chose que l'on aurait ou que l'on a vécu. On a vécu, voilà. Tout petit Œdipe, comme dit Freud, a vécu ça. Voilà. Alors, c'est important, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de le développer, mais il y a des sujets psychotiques qui ne constituent pas l'Œdipe, ce qui a toutes sortes d'effets. Évidemment, on pourra parler de ce qui se passe quand le père n'agit pas à cette fonction symbolique. Ce que Lacan appellera, mais c'est beaucoup plus compliqué, la forclusion du nom du père. On y reviendra sans doute. Mais voilà, à partir de ce moment-là, moi je suis un enfant innocent, je rentre dans une famille, hein, j'ai un nom, voilà. Mais à partir d'un certain moment, je m'aperçois, subrepticement, qu'il y a là un drame qui est lié à la prohibition de l'inceste, ô combien importante, puisque la prohibition de l'inceste est fondatrice des sociétés humaines, mais tel que mon premier objet, je parle du garçon, n'est-ce pas, son premier objet est interdit. C'était mal parti, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, d'une certaine façon, mon premier objet est interdit. À savoir la mère. À savoir la mère, dans ce cas-là, voilà, évidemment. Donc, il y a aussi l'Œdipe au féminin, mais voilà. Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, le fils vit une tragédie sophocléenne, hein, d'une certaine façon. C'est très important, plutôt que de réciter en disant que oui, quand on est psychanalyste, on croit l'Œdipe, mais c'est le sujet qui nous l'impose. Il suffit de voir un petit garçon qui devient l'amoureux de sa mère, le chevalier servant de sa mère. C'est assez bouleversant. Il est en train de vivre une tragédie. Ça ne veut pas dire que ça soit une tragédie sombre, mais il aura dès lors toujours cette impression que ça va se refléter dans sa vie amoureuse et sexuelle, n'est-ce pas ? L'idée que son premier objet était interdit, voilà. Ça a toutes sortes de conséquences pour l'adulte, voilà. Donc le père est inventé par l'enfant. C'est un point qui est extrêmement important. Bien sûr, il est dans la structure sociale. Il est inventé pour faire blocage, pour être l'obstacle tout vers la mère. Derrière, vous allez trouver quelque chose de très complexe qui est la tragédie de la castration, n'est-ce pas ? Mais le père est d'un côté, et c'est ça, là on est au cœur du problème, d'un côté l'obstacle, ce qui fait qu'il va lui en vouloir. Vous savez, quand les enfants commencent à dessiner des machines de guerre, on peut avoir une petite idée de qui est l'ennemi. Mais en même temps, il idéalise, il s'identifie. D'où cette extraordinaire richesse de la relation au père, dominée par, voilà encore un mot-clé, l'ambivalence. L'ambivalence, c'est quand deux courants affectifs totalement opposés, l'amour et la haine, sont dirigés vers le même objet. C'est ce qui fait que Freud dit qu'à l'être du père appartient l'ambivalence. Je supplie ceux qui parlent de Freud, y compris de façon critique, j'en profite pour le dire, de lire ces textes, qui sont d'une complicité, d'une force de réel extraordinaire. Voilà. Alors, à partir de là, on voit bien ce que dit Freud, c'est pas simple. Il récite pas l'Œdipe, il décrit ce qui se passe dans la vie psychique de l'enfant. Mais on peut vous objecter, Paul-Laurent Hassoun, un certain nombre aussi d'expériences... d'individus qui vont dire « J'ai jamais eu envie de tuer mon père et de coucher avec ma mère. » Bon, bien sûr, évidemment. Parce que de quel ressenti on parle à ce moment-là? Quand voilà. Vous dites qu'un lecteur de Sophocle retrouve un drame originel, une tragédie intérieure, qu'est-ce que ça veut dire le retrouver? Oui, vous avez raison, ça étonnerait l'enfant quand vous dites quelque chose comme ça. Il ne faut surtout pas lui découvrir les coulisses de son Œdipe. Hein, mais il va après... l'encaisser, ce qui fait qu'il aura besoin d'analystes pour comprendre, par exemple, quand le rapport impossible à une femme ou à un homme apparaisse. Et c'est toujours l'infantile qui est là. Voilà. Alors, il faut distinguer, pour être le plus clair possible, le moi et le sujet. Voilà. Ça paraît un peu abstrait, mais le moi, c'est le moi avec ce que je ressens. Je suis sincère. Et ces gens-là, ça m'étonne qu'ils disent ça comme ça, mais s'ils le disent, ils doivent être sincères. Vous n'allez pas recevoir en direct une motion inconsciente. Tandis que le sujet, lui, il fait tout ça. Voilà. Et donc, il faut être... Mais ce drame-là, intérieur, vécu par le sujet, ne vient pas forcément à la conscience du moi. Et oui, bien sûr. Et l'Œdipe est d'une complexité énorme. Mais tous les déboires et les joies de la vie sexuelle et amoureuse proviennent de l'infantile. Voilà, c'est ça le point important. Tout simplement parce que c'est le début qui détermine la suite. Hein. Et naturellement, ça se modifie en principe par la vie ou par l'analyse. Hein. Mais on retrouve toujours le père dans le décor. Voilà. Comment ça se passe du côté des filles? Alors, du côté des filles... Il n'y a pas de complexe équivalent? Il y a inutile de l'appeler le complexe d'Electre comme certains, c'est alors évidemment, c'est le complexe d'Œdipe au féminin, et je vais être très rapide, donc un peu schématique bien sûr, mais enfin, La petite fille, il suffit de le voir, d'emblée aime son père, d'emblée a une passion pour son père. Alors, il ne faut pas confondre les phases. Dans un premier temps, il est là, il est formidable. Voilà. Dans un deuxième temps, ça va devenir un amour oedipien. Et c'est le lieu d'une passion. Sauf que, il faut rappeler, on ne peut pas parler du père sans parler de la mère. C'est qu'à l'origine, la fille a une passion colossale pré-paternelle. Et Freud s'est corrigé lui-même à la fin de son œuvre, c'est-à-dire la passion pour la mère. Distinguons, je vais parler un peu allemand, mais Mutterbindung qui veut dire la liaison à la mère, et Vaterbeziehung qui veut dire le rapport au père. Ce qui est formidable avec un père, c'est que je peux avoir un rapport, c'est-à-dire une différence qui me permet d'être en rapport avec lui. Avec la mère, qui a une puissance colossale, affective colossale, il y a toujours cette idée, n'est-ce pas, de faire un ou de faire une avec la mère. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, voilà le travail. Quand on dit que la psychanalyse dit que la femme est passive, c'est une absurdité. La petite fille doit faire un travail. Vous parlez des critiques qu'on adresse, par exemple des critiques féministes à l'égard de la psychanalyse. On peut revenir, oui. Pas seulement toutes ces critiques qui disent qu'au fond on construit en quelque sorte un portrait inconscient rigide. Non, il y a un énorme travail psychique à faire. La fille aime, imaginez que vous ayez un grand amour qui est votre mère et qu'il vous faille quitter la mère, votre grand amour, volontairement. Pourquoi ? Parce que la fille a peur d'être absorbée par cet amour. Absorbée par cet amour. Donc à ce moment-là, elle va se retourner vers le père, qu'elle aime bien depuis la naissance. Et oui, mais ça mute, vous voyez. Freud est un génial orchestrateur des drames du processus, vous voyez. Du processus. À condition de ne pas réciter les choses. Vous voyez. Ça veut dire donc qu'elle va se tourner vers son père qui va lui donner quelque chose. Un père doit faire très attention si le père est distrait, est ailleurs. Je t'aime bien, mais je suis jamais là, etc. Il va y avoir aussi toute la question de l'argent, des cadeaux, des choses très très concrètes, mais qui fait qu'à partir de ce moment-là, il y a un appel au père qui est tout à fait considérable. Des parents qui seraient en train de vous écouter, Paul-Laurent Hassoun, est-ce qu'ils devraient en tirer une leçon dans la manière d'éduquer leurs enfants ? C'est-à-dire, un père, par exemple, devrait se dire... Oh ben c'est tout à fait normal que je sois un rival avec mon fils, j'accepte, ou alors est-ce qu'il met plus de limites ? Ou une mère, par exemple, est-ce qu'elle va se dire, ma fille s'identifie à moi, mais je veille à intégrer le père pour qu'il puisse faire obstacle ? Enfin, vous voyez, qui essaierait de construire à partir de ça des manières d'éduquer différentes ? Ou est-ce que tout ça se joue de manière inconsciente et finalement il faut laisser faire le travail inconscient du psychisme ? C'est ce que Freud voulait, d'une certaine manière, au départ, c'est qu'on sache... pour pas faire trop de bêtises, sachant que pour lui, il y a aucune... Mais on fait toujours des erreurs, en fait. Il y a toujours quelque chose qu'on fait mal comme parent. Au combien et pourquoi ? Parce que, avec ce que je décris, c'est que tous les acteurs jouent leur rôle. Ils sont pas rationnels. Ils ne sont pas rationnels. Simplement, ce que les parents doivent savoir, c'est, sachant leur propre souvenir de blocage oedipien de leur propre Oedipe, c'est de pas faire des erreurs majeures au moment où se présente quelque chose comme une demande d'amour. Voilà, le père de Kafka qui était complètement à côté de la plaque. Voilà. Mais le point très important, c'est que chaque acteur joue son rôle. Mais est-ce qu'il peut s'en départir librement ? Est-ce qu'il y a quand même une forme de liberté ? D'abord, c'est pas plus mal qu'il joue son rôle. Hein. Voilà, c'est ça. On ne peut pas tenir un discours lénifiant. C'est-à-dire, l'enfant, il va jusqu'au bout. C'est pas en disant, mon petit, je connais ton inconscient que oui, ça voilà, va c'est s'arranger. Ça. Ce genre non. de discours ne tient pas. Ça tient pas, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est obligé, entre autres, de faire une analyse à un moment donné. C'est ou bien parce qu'il y a eu des conflits majeurs dans la famille et dans le grippage des modes d'identification et d'idéalisation, tout ce que j'ai dit. Mais d'autre part, c'est le fait que l'enfant joue la carte de son désir d'une certaine manière. Il faut pas que la psychanalyse serve d'une certaine manière à une répression au second degré avec un savoir pseudo-psychanalytique, c'est pas ça. Alors, bien sûr, votre question est tout à fait pertinente, n'est-ce pas ? C'est, à un certain moment, le savoir, ne serait-ce que d'un point de vue simplement négatif, c'est, à un moment donné, de dire certains mots qui vont jouer un rôle fatal dans la réception de l'enfant, hein, voilà. Et comprendre comment, oui, il fonctionne, de telle sorte que, d'une certaine façon, on soit à jour du jeu qui se joue. Enfin, au cœur de la famille. Oui. Mais comment savoir quel mot, par exemple, est fatal quand on est un père ou quand on est une mère, par exemple, parce qu'un mot va résonner à tel moment de manière fatale pour un enfant, pour un fils, ou pas du tout pour une fille, à un autre moment. Comment savoir ce qui est fatal ? D'abord, j'ai pas totalement terminé quand même la réponse à votre question sur la fille, parce que c'est très important. Allez-y. Une fois que la fille s'est tournée vers le père, ça va rendre possible, n'est-ce pas, ça, d'une certaine manière, une alternance, parce qu'au sens politique, où à un certain moment, il faut changer de gouvernement aussi inconscient aussi. Voilà. Et à partir de là, de nouveau, ça va être compliqué. C'est-à-dire, c'est vrai que la femme va d'un amour à la perte de cet amour, à cette déception, quand le père lui-même ne va pas. Alors, on revient à votre seconde question. Par exemple, Freud remarque, il donne un cas d'un mensonge d'enfant, en l'occurrence une fille. Cette fille, elle demande un peu d'argent pour avoir de la peinture des œufs de Pâques, vous voyez ? Et c'est le père qui donne l'argent. Bon, ce jour-là, le père, un peu bêtement, dit « Oh, écoute, ça va, tu peux t'en passer. » Pour elle, c'était très important, parce que donner l'argent, c'était aussi reconnaître l'amour, d'une certaine manière. Voilà, un cadeau. Hein. Et à ce moment-là, elle vole l'argent. Elle vole l'argent, et sa mère, à ce moment-là, dit « Mais tu as volé cet argent. » Et elle voit qu'elle est tellement désespérée qu'elle calme le jeu. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que c'est pas simplement le fait d'être inculpé parce qu'elle a volé dans la famille, c'est que en même temps, c'est son désir oedipien qui a été humilié. Vous me direz, c'est rien du tout, c'est un détail, un peu d'argent. Hein. C'est ce qui explique que cette femme aura tout le temps des problèmes d'argent avec les hommes qu'elle connaîtra. Vous voyez? Voilà, c'est ce point qui fait qu'on répète ces conflits de l'enfance. Hein. Oui, mais en vous écoutant, Paul-Laurent Hassoun, moi, à ce moment-là, je dis tout le temps à ma fille, oui, d'accord, je te donne tout ce que tu veux, je te donne tout l'argent que tu veux, parce que j'aurais tout le temps peur de la contrarier. Vous voyez, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, sur comment savoir ce qui est fatal ou pas. Et je vais un peu parodier Lacan. C'est vrai que c'est l'enfant qui a la clé. Les enfants ont une capacité extraordinaire, n'est-ce pas, de voir la vérité. Si vous donnez tout le temps, sans, n'est-ce pas, vous allez tuer le désir chez l'enfant. Enfin, ce qu'on appelle tout simplement les enfants gâtés, hein. L'enfant roi. L'enfant roi, l'enfant gâté, c'est très curieux. L'enfant est comme ça. Et puis, il a un côté aussi embêtant par rapport aux parents. Il peut dominer, il peut faire des parents des martyrs, à un moment donné, hein. Je dis ça avec certains humours, mais voilà. Mais si, par exemple, vous donnez le truc préféré, je dis le truc parce que c'est l'objet préféré à l'enfant, vous allez voir, à la dixième fois, ou même avant, il va faire l'amour. Bon, ça l'intéresse pas. Par contre, s'il est surpris. Et surtout, si l'amour est dans le lot. Vous voyez? Si l'amour est dans le lot. Voilà. Une anorexique, c'est une fille qui dit, mais finalement, vous m'avez donné, j'ai manqué de rien sauf de l'amour. À tort ou à raison, mais elle va dire ça, vous voyez? Donc c'est ce qui va se jouer en famille, l'inconscient se joue en famille. Voilà. Un jour, les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le père, ce qui a mis fin à l'existence de la horde paternelle. Une fois réunis, ils sont devenus entreprenants et ont pu réaliser ce que chacun d'eux, pris individuellement, aurait été incapable de faire. Il est possible qu'un nouveau progrès de la civilisation, l'invention d'une nouvelle arme, leur ait procuré le sentiment de leur supériorité. Qu'ils aient mangé le cadavre de leur père, il n'y a à cela rien d'étonnant, étant donné qu'il s'agit de sauvages cannibales. L'aïeul violent était certainement le modèle envié et redouté de chacun des membres de cette association fraternelle. Or, par l'acte de l'absorption, ils réalisaient leur identification avec lui, s'appropriaient chacun une partie de sa force. Le repas totémique, qui est peut-être la première fête de l'humanité, serait la reproduction et comme la fête commémorative de cet acte mémorable et criminel qui a servi de point de départ à tant de choses. Organisation sociale, restriction morale, religion. Le mort devenait plus puissant qu'il ne l'avait jamais été de son vivant. Toute chose que nous constatons encore aujourd'hui dans les destinées humaines. Paul-Laurent Hassoun, on vient d'écouter un extrait de Totem et Tabou, toujours de Freud, un texte qui date de 1913, interprété par Georges Clès. On y entend le sacrifice du père. On y retrouve peut-être cette expression qu'on emploie souvent et qu'on attribue à la psychanalyse de « il faut tuer le père ». Est-ce que c'est ça dont il est question dans cet acte primitif du sacrifice du père ? On progresse bien, je trouve, dans le drame, parce que à un certain moment, et oui, parce que Freud a cette idée qui a été très discutée. Il nous raconte une histoire là. Bon, cette histoire, c'est que à partir d'éléments que j'ai pas le temps de développer, la référence à Darwin, etc., à Atkinson, bon, Freud pense que pourquoi il va nous raconter cette histoire, c'est parce qu'il y a une telle passion du père, telle qu'on la repère, qu'à un certain moment, il va se poser la question est-ce qu'à l'origine même de l'humanité l'humanité étant pour lui au départ un troupeau animal avec le mâle le plus puissant. Attention, le mâle, c'est pas forcément le père, hein, mais ce mâle le plus puissant, tellement important qu'il possède les femelles, qui sont des biens sexuels, qui ne sont pas encore des femmes non plus, voilà, qui sont des biens sexuels. Puis à un certain moment, il y a une révolte des fils, qui en avait assez de se faire réprimer, n'est-ce pas ? Et ce Ur-Vater, c'est-à-dire ce père originaire, qui est en même temps une bête primitive, moi je l'appelle aussi une bête primitive, qui n'a même pas de désir, c'est-à-dire qui est uniquement avec des biens sexuels, voilà, à un certain moment, il a été tué. Bon. Et c'est sur la base de ce meurtre primitif que les humains ont pu se constituer une culture, ce qui est dit dans le texte, n'est-ce pas ? Restriction morale, je dirais plutôt, c'est la morale publique. Besitzlichkeit en allemand, c'est la morale publique, c'est la religion, c'est le droit. Voilà. Tous nos interdits collectifs sont donc liés au père, de ce point de vue-là. Hein ? Mais j'y insiste, pas parce que c'est une hypothèse patriarcale, parce que Freud dit, c'est encore cette chose importante, c'est que la mère, n'est-ce pas, c'est celle qui est vécue pulsionnellement en rapport avec les sens, tandis que le père est une création culturelle. Il cite cette formule juridique, les juristes savent ça, que mater certissima, on n'a pas besoin de comprendre beaucoup de latin, la mère est certissime, par contre le père, pater semper incertus, c'est-à-dire toujours incertain. On peut jamais être sûr, du moins avant une expertise génétique, de qui est son père, de son père biologique. Eh bien, c'est cette incertitude du père qui fait qu'il est précieux. D'une certaine manière, paradoxalement, il est nécessaire parce qu'il est incertain. Il est incertain. D'une certaine manière, c'est un semblant, le père. Même si c'est mon père réel, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui du coup est une croyance. La croyance au père et le père ne font qu'une seule personne. Mais ce qui est paradoxal, et c'est le même enjeu que dans les frères Karamazov, c'est pourquoi devoir tuer le père ? C'est-à-dire que le père fonde l'ordre, le père nous transmet quelque chose. Oui. On n'est pas un enfant, on n'est pas au monde sans un père. Et en même temps, il faut le tuer. Pourquoi ? Pour advenir soi, pour se construire soi-même ? Dans l'ordre, c'est quand même un rival. S'il n'était pas là, j'aurais mon objet. Je rappelle quand même le point de départ de l'Œdipe, même de si ça mère. Fait un peu guignol. Voilà, c'est l'objet maternel, l'objet c'est au sens très fort. Mais tuer le père ne revient jamais à voir la mère. C'est-à-dire qu'on va tuer quelqu'un avec lequel on a déjà dépassé ce stade-là, en fait. Oui, mais d'abord, le réflexe, c'est de dire, ce sale type, il faut le mettre à l'extérieur. Mmh. Et en même temps, c'est ce sale type que j'idéalise. D'où l'ambivalence. Voilà. Faisons bien attention à ça. Le caractère précieux d'un père, c'est que je peux désirer le tuer. Vous me direz, ça paraît un paradoxe de psychanalyse, mais c'est l'analyste, il ne fait, s'il a lu Freud, que repérer le réel même de ce qui se passe. Si j'ai pas de père, j'ai personne à tuer pour fonder mon désir. Alors, c'est encore une énigme, mais qui est la dimension de l'inconscient. Tout ça, d'ailleurs, ayant disparu totalement dans certains savoirs actuels, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on aimerait bien se débarrasser certains. J'aimerais, je le dis, hein, de la psychanalyse qui nous raconte toutes les histoires très compliquées. On préfère parler de toutes sortes de choses qui rassurent. C'est pas rassurant, mais c'est avec ça qu'on va comprendre la réalité de l'inconscient et le sujet. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment-là, le sujet aura besoin d'une suppléance, peut-être, mais à partir de là, en tout cas, il va fonder sur le désir de mort son désir à lui, n'est-ce pas ? Ce qui fait que, à partir de ce moment-là, la mort et le père sont liés. Est-ce qu'on peut dire que c'est en tuant le père que l'on se trouve soi-même ou que l'on vient véritablement à naître ? Ben, oui, au plan symbolique. Votre formule est intéressante parce que je nais une première fois en tant que sujet, en tant que moi de ma mère, avec le premier cri, avec la rupture du placenta. Mais ça, c'est le réel énorme, énorme. Hein. Et dans un deuxième temps, il faut que je renaisse, ça fait du travail tout ça, voilà, il faut que je renaisse au symbolique par le père. Dire comme ça, ça fait presque un petit peu, voyez, religion, on va peut-être dire deux mots de la religion et de la culture, parce que cette passion du père, elle se retrouve aussi au plan collectif dans la religion. D'ailleurs, le sacrifice du père, dans ce texte de Freud, sonne de manière sociale et politique, de manière fondatrice. Oui, mais voyez que Freud s'intéresse à ce qui est rigoureusement immanent chez le sujet. Du coup, la question, c'est de savoir pourquoi il y a tant de gens qui ont besoin de la religion, parce que la religion satisfont collectivement leur passion du père. Alors, il faudrait parler de la différence entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, pour prendre simplement les trois religions historiques. Mais voilà, à ce moment-là, on se regroupe tous autour de la passion du père, dans les temples, dans les églises, et on commémore le père, ça rassure. La psychanalyse ne rassure pas parce qu'elle pense que le sujet, un par un, doit faire le travail. Voilà. C'est pour ça qu'elle n'a rien à dire sur la religion. Mais quand Freud parle de religion, qui pense être une illusion, il dit aussi que, suggère que, alors Lacan dira plus trivialement, la religion est increvable. Pourquoi ? Parce qu'elle donne aux masses une réponse à cette passion du père, n'est-ce pas ? En disant, au moins là on a trouvé, sous la forme de Dieu, qui est pour Freud la forme sublime et grandiose de la passion du père, on a trouvé quelqu'un qui s'occupe de tout, d'une certaine manière. J'aimerais vous faire écouter quelques secondes, Paul-Laurent Hassoun, d'une voix qui peut-être va résonner avec ce que vous êtes en train de dire et qui fait partie du débat actuel. On va nier des besoins essentiels des enfants, comme le besoin de s'inscrire dans une filiation biologique paternelle, dans une généalogie, comme le besoin de connaître ses origines et comme le besoin d'avoir un père dans sa vie. L'État s'apprête à organiser la création et à financer d'ailleurs avec l'impôt la naissance d'enfants sans père. Et ça, c'est un basculement majeur et c'est une très grande injustice qui est faite à ces enfants. C'est la voix de Christine Genevoix, déléguée départementale des Yvelines de l'Alliance Vita. Alors l'Alliance Vita, c'est une association pro-vie, donc on peut entendre par ça anti-PMA, anti-euthanasie, anti-avortement. Et elle donne de manière condensée tous les arguments de cette frange de la population qui s'oppose à la procréation médicalement assistée, qui craint les suites, à savoir la gestation pour autrui. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette partie de la population, Paul-Laurent Hassoun, qui s'inquiète de cette disparition du père? Bon, alors voilà, on est face au réel inconscient qu'on cherche à repérer, bon, qu'on cherche à mettre en évidence. Maintenant, il y a les idéologies. Les idéologies, c'est celles qui veulent que ça aille quelque part. En gros, une idéologie progressiste et une idéologie conservatrice. Le problème, c'est que les uns et les autres disent des choses exactes, et les uns et les autres déforment ce que dit la société. Les uns et les autres, les pros PMA et les anti-PMA. Oui, mais plus généralement, la position vers le père. Il y a un couplet conservateur, si je peux dire, qui consiste à dire il y a un déclin du père, on a besoin du père. Évidemment qu'on a besoin du père. Mais encore faut-il s'entendre sur qu'est-ce que le père, alors? Voilà. Avec, il y a cette idée que le père va nous sauver de tout. Non. C'est le lieu même d'un conflit. Alors, ce qui est certain, là où le discours conservateur globalement a raison, c'est que c'est pas qu'il faille pas toucher au père, il faut bien repérer ce qu'il en est de sa nécessité symbolique pour la constitution du sujet. Quand dans la problématique progressiste, il y a cette idée que tout change, qu'il y a du nouveau, alors qu'il y a du nouveau évidemment, il y a des situations sociales nouvelles, mais il y a une permanence de la structure. Donc dire que tout change, c'est pas vrai, hein. Voilà. À partir de là, on va dire qu'on va laisser de côté les questions symboliques. Voilà. Mais le véritable enjeu par rapport à la question du père, Paul-Laurent Hassoun, c'est de dire comment faire perdurer une structure dans laquelle il y aurait une fonction paternelle sans pour autant faire s'enraciner cette fonction paternelle dans un sujet biologique, dans une personne avec des caractéristiques masculines, viriles, ou à l'inverse, comment ne pas faire exploser tout ça, comment maintenir cette structure-là sans pour autant l'ancrer et ne jamais la faire progresser. Oui, bien sûr, mais vous voyez, c'est toute la question, c'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur l'anthropologie psychanalytique qui travaille solidairement le collectif et le sujet. Enfin, le sujet individuel, quoi. C'est d'essayer de comprendre, si je peux dire, le matériel symbolique du sujet. Oui, c'est ça le point. C'est, l'idéologie, c'est une vision du monde qui essaye de bonifier des choses. Il y a des bonnes intentions. Mais qui, à chaque fois, d'un côté ou de l'autre, méconnaissent une dimension. Nous ne sommes pas, par exemple, nous, des défenseurs du père en tant qu'entité. Nous repérons ce qu'il en est quand le père manque. Et donc, et c'est pour ça que dans les discours tout à fait opposé, on trouve cette double postulation, ce que vous résumez bien, entre la nécessité de reconnaître ce besoin de père, mais voyez que le petit Oedipe, lui, c'est d'une certaine manière, c'est un ennemi du père, et donc il faut lui laisser l'espace même pour constituer son identification de se battre avec le père. C'est la même chose, mais c'est pas vraiment notre débat avec la question de la sexualité. On est dans une perspective où le social, démocratique, je trouve ça positif, mais parle tout le temps du droit à. Du droit à, droit au mariage homosexuel, n'est-ce pas, droit à des familles rénovées, recomposées, etc. Nous, on a besoin de parler du réel. Par exemple, dans la question du mariage homosexuel, qui est un droit social, effectif, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi certains homosexuels veulent se marier et d'autres non. comment ils font un usage du père symbolique. En fait, ce qui vous intéresse, Paul Laurent Hassoun, c'est au cas par cas, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que c'est sujet, pas tant de faire un droit A ou un droit qui serait général et abstrait, mais plutôt de réfléchir comment ça se passe pour chaque sujet. Mais il y a quand même une structure universelle sur laquelle vous vous reposez en tant que psychanalyste et en tant que lecteur de Freud et Lacan, à savoir, il y a une structure psychique dont les entités paternelles et maternelles font partie et doivent être préservées. Bien sûr. Mais reste alors, à savoir sous quelle forme. Mais bien sûr qu'à partir de là, sa position du sujet est en rien un individualisme. C'est bien pour ça que Freud s'occupe beaucoup des questions sociales. J'ai pas le temps d'en parler, mais c'est un peu mon dada. Dans la morale sexuelle civilisée, dans Totem et Tabou que vous avez cité, dans Malaise dans la culture, le collectif est absolument essentiel. Mais il y a dans le social une tendance à abraser ce chacun, voilà. De telle sorte qu'avec les meilleurs sentiments, on en arrive à revenir à la norme, d'une certaine façon. Que ce soit la norme conservatrice ou la norme progressiste, sans voir ce qu'il en est du sujet. Donc on a intérêt à se documenter sur la fonction du sujet. Vous posez une question très importante qui est comment un analyste peut participer au débat en tant que citoyen, mais aussi il peut participer au débat collectif, voilà. Alors, on peut simplement repérer des symptômes sociaux, c'est-à-dire quand ça va dans la mauvaise direction et déterminer pourquoi ça va dans la mauvaise direction. Hein. Pas de façon forcément polémique, mais pour comprendre ce qui se joue et les enjeux pour l'enfant. Hein. Mais vous savez, les familles, de toute façon, elles résistent aux changements sociaux. Pourquoi ? Parce qu'elles réintroduisent tout le temps de la structure. Et que l'enfant d'hier ou d'aujourd'hui, il a les mêmes problèmes à résoudre d'une certaine façon. Mais bien entendu, les données sociales sont tout à fait différentes. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, ce qui est passionnant, c'est de voir le rapport entre le malaise de la culture qui est constant et puis les nouveaux dispositifs sociaux. Hein. Voilà. Alors c'est pour ça que quand on parle du déclin du père, le père décline-t-il vraiment ? Oui, il y a des choses qui se passent dans les familles qui montrent des symptômes, si je peux dire, de déclin du père. Ou alors de, moi je pourrais vous objecter de revalorisation du père parce que le père s'investit beaucoup plus, il veut participer beaucoup plus aux, alors je dirais pas aux tâches ménagères, mais il veut donner le biberon. Oui, mais ne parlons pas des nouveaux pères, c'est pas la peine. Ce qui me paraît le plus important, c'est un de repérer cette structure qui ne cesse de revenir. On a cette idée que le père il doit être coupé au-dessus comme un dieu justement. Non. L'enfant, c'est pas parce que le père va faire la vaisselle voyez l'idéologie dans les deux sens, qui va cesser de le remettre en place. Croyez-moi, il saura le remettre en place. Par contre, s'il est traité comme zéro par la mère, ça c'est nocif. Donc, tant le discours conservateur qui dit il faut que le père reste à sa place, c'est idéologique. Voilà. Que ceux qui disent que il y a du nouveau. Il faut, ce qui est passionnant, c'est de voir qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas. Voilà. Je crois voir ton père. Quand il a acheté ce café, il a même pas mis un coup de peinture. Il aurait pu en faire quelque chose de bien. En se creusant un peu la tête, un endroit accueillant qui donne envie de rentrer. Tu vas nous raconter l'histoire du pub, maman ? Oui. Ah oui. Oui, moi je voyais un pub. En tout cas, quelque chose de chaleureux. De distinguer. Mais pour ça, évidemment, il aurait fallu un peu d'ambition. Ah, tu penses ? L'ambition. Il savait même pas ce que ça voulait dire. Sa seule ambition, c'était au père tranquille. Ouais, mais je sais tout ce que tu penses de papa, c'est pas la peine de me le répéter. Et lui aussi, il le savait, tu l'as dit 1000 fois. Et sur tous les tons. Et s'il était pas mort, tu le dirais encore. Moi, j'en suis très fier de papa. Et tant mieux si je lui ressemble. Bon. De toute façon, je vois pas ce que papa vient foutre là-dedans. Ouais. On te parle pas de papa, là. On te parle de la décoration. On te dit simplement que tu pourrais faire un effort. Vous connaissez ce film, Paul Laurent Hassoun ? Oui. Voilà, c'est un art de famille, donc de Cédric Clapiche, réalisé en 1996 d'après la pièce de théâtre écrite par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. On entend cette mère dont vous parliez juste avant, qui dévalorise le père. Le père est mort depuis plusieurs années. Néanmoins, son souvenir persiste. Et le frère aîné, interprété par Jean-Pierre Bacri, défend sans cesse son père, dévalorisé sans cesse par sa mère. Ben oui. Voilà, alors, c'est pas simplement la valorisation ou la dévalorisation, c'est le cas qu'elle a fait de lui pour son désir à elle, vous voyez ? À partir de cet extrait, je peux pas déterminer complètement qu'est-ce qui s'est passé entre cet homme et cette femme. Peut-être qu'ils s'aimaient, ils se désiraient à leur manière, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas simplement parce qu'on entend, entendre une mère insulter son mari, ça a des effets. Mais il arrive, par exemple, certaines mères disent à haute voix que ça va pas, que ça va pas avec le père, même dans le désir, qui sont moins nocives que ces mères qui se taisent totalement, qui disent que tout va bien, parce que les enfants le savent. La place de la chambre conjugale est absolument essentielle de ce point de vue-là, vous voyez ? C'est en ce sens que le sexuel est important, pas comme rapport biologique, mais véritablement comme dimension symbolique. Alors, il est certain que là, le fils, il défend le père. On ne sait pas quels effets, enfin si, il faudrait voir dans le film quels sont les effets que ça a fait. Hein, mais il est déprimé. Voilà, oui. Oui, bien sûr, avec cette dépression de ce point, ce vide qui est apparu... Dans la position désirante, parce que c'est cette position désirante qui est la plus effective et la plus active. Hein. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce passage, c'est que le père est là sans être là. C'est-à-dire, c'est un fantôme, il est évincé, il est mort, mais en plus il est évincé. Vous voyez que c'est toujours en tant que père mort qu'il existe. C'est ça. C'est comme Hamlet avec le spectre du père, voilà. Ce qui est dommage, c'est que Kafka n'ait pas pu... Voilà, il a tenté du moins s'expliquer de son vivant avec son père. Mais son père était trop présent. Voilà. Et ce point est essentiel. Juste un mot sur les frères Karamazov, parce qu'on en parle aussi du point de vue littéraire. Au fond, Freud a lu ce texte en 1928. Pourquoi ? On lui avait demandé de collaborer à un recueil sur Dostoïevski. Lui, il retrouve toute son expérience clinique, d'une certaine manière. Voilà une famille où il y a un père style père d'ordre, hein. Vraiment, le père Karamazov, il est infernal. Hein. Vous savez que Dostoïevski avait un père aussi de ce genre qui a été tué par ses propres serfs. Hein. Voilà. André Markovitz nous a raconté voilà. Hier matin. Et qu'il est devenu épileptique. En fait, c'était une hystérie traumatique. Mais enfin, voilà, on appelait ça une épilepsie. Voilà. Ça tape sur les nerfs, le père, quand il est violent. Et on a toute cette fratrie, mais qui est hantée par le meurtre du père. Mais c'est Smerdiakov qui est le fils bâtard, qui exécute un acte, et Freud, assez finement, montre que les autres, ils en veulent aussi à leur père. Mais au fond, il a tué son père au nom de l'ensemble de la fratrie, sauf le petit Alyosha, qui lui est une âme pure, qui est incapable d'agressivité. Voilà. Vous savez que juste, Freud n'aimait pas beaucoup Dostoïevski en tant qu'homme, il le trouvait une personnalité pathologique au mauvais sens du terme, mais qui considérait son œuvre comme grandiose. Voilà. Et là, il y a chez Dostoïevski une intelligence de l'inconscient. Voilà. J'ai une question à vous poser, Paul-Laurent Hassoun, parce que j'ai parlé des pères qui veulent donner le biberon, changer les couches. Vous avez dit que ça ne change rien pour l'enfant, qu'il fasse la vaisselle, qu'il fasse en fait, qu'il endosse le rôle. Bon, ça ne change rien dans la mesure où c'est ailleurs qu'il va chercher l'axe de gravité de son, si je peux me permettre le terme, de son évaluation du père. Il y a une idéologie qui dit surtout pas, il ne faut pas que le père fasse des tâches ménagères, etc. C'est ça qu'il faut combattre, c'est cette idée-là. Pour le ramener à la structure, d'une certaine façon. En fait, il faut se dire que le père ne se situe ni dans le rejet d'une répartition des rôles à la maison, ni dans cet investissement. C'est pas parce qu'il prend l'apparat des tâches ménagères d'une maman, qu'on attribuerait habituellement une maman, qu'il serait un nouveau père ou un meilleur père. C'est important. Il n'empêche que ça change, et que ces changements sont intéressants. C'est ça que je voulais vous entendre dire, voir la différence que ça pouvait faire. Mais bien sûr, ça... l'enfant n'est pas aussi superficiel que ça pour dire que d'emblée, n'est-ce pas, que le père fasse un geste d'utilité dans la famille, ça lui fait perdre sa virilité. Par contre, si, j'y reviens pas, si la mère est dans une position où même sans rien dire de méchant envers le père, il sait qu'elle ne compte pour rien, eh bien il va y avoir ces problèmes qui vont apparaître. Et c'est d'ailleurs pas, c'est peut-être l'occasion de dire ce qui se passe chez Lacan, ou chez Lacan, pour que le nom du père se constitue, c'est la mère qui a la clé. Hein. Mais d'ailleurs, le nom du père, pourquoi le nom du père? Ça n'est qu'un nom, le père, en fait, ça n'est qu'un insignifiant. Écoutez, il y a un repérage dont on parle pas souvent, c'est la prière dans les évangiles de Jésus. À un certain moment, les apôtres demandent à Jésus, Père, Père, mais Père au sens Seigneur, Seigneur, dis-nous comment il faut... prier Dieu, puisque le Christ est un Dieu fils, mais il se réfère toujours au Père. Et à ce moment-là, il invente le Notre Père. Le Notre Père, le nom du Père est déjà là. Vous me direz, c'est justement du point de vue religieux. Hein. Alors, comment parler rapidement et simplement du nom du Père chez Lacan? D'abord, Freud, ça l'aurait beaucoup étonné, cette histoire de nom du Père avec deux majuscules. Hein. Voilà. On peut dire, est-ce que c'est pas une expression un peu théologique, le nom du Père, justement? Alors, oui, ça rappelle le haut nom du père, oui. Voilà. Alors, disons que c'est une structure, là. Ce qui veut dire, c'est que cette fonction symbolique, que j'ai détaillée au fond, cette fonction du symbolique, on peut l'appeler le nom du père. Personne n'a jamais rencontré le nom du père, pas plus que personne n'a jamais rencontré le père symbolique. C'est les religions qui en parlent, mais personne ne l'a rencontré. Hein. Par contre, il faut, pour que le sujet étreigne son existence psychique, il faut qu'il ait pu laisser une place symbolique au père. C'est pour ça que Lacan parle beaucoup de la psychose, parce que la psychose, d'après son diagnostic, hein, parce que la psychose est un phénomène très complexe, d'une certaine manière, il faut qu'il y ait une forclusion du nom du père, que le nom du père ne se soit pas formé. Alors il est certain que certaines mères qui, en quelque sorte, elles ne laissent pas de place, pas simplement à leur homme, mais au nom du père, puissent être un élément déterminant de ce qui, à un certain moment, tourne mal dans cet héritage-là, vous voyez. Si j'ai fait un Œdipe, je simplifie, mais pour qu'on puisse parler de Freud et de Lacan en même temps, si l'Œdipe est en place, le nom du père est là aussi, d'une certaine façon. Voilà. Laurent Hassoun, on se quitte avec T'en vas pas d'Elsa. J'espère que vous aimez comme moi cette chanson. Je rappelle que l'on peut lire de vous Lacan, c'est aux éditions PUF, en Que sais-je, qui vient de reparaître pour la cinquième fois. L'énigme conjugale, psychanalyse du mariage, aux éditions PUF, psychanalyse, aux éditions PUF également, et littérature et psychanalyse, Freud et la création littéraire, cette fois-ci, c'est aux éditions Ellipse. Et un grand merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, qui a préparé cette émission, Isis Jourda, notre stagiaire pour cette semaine, Joseph Rouxel, Adèle Vendrette, bien sûr, que vous retrouverez en fin de semaine, Georges Kless à la lecture des textes, Thomas Beau à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui, Alex Dong. On se retrouve demain pour une émission sur les pères rêvés ou brisés de Shakespeare, Hamlet et Le Roi Lear. Mais d'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, Le Père en psychanalyse, ou notre première émission sur le père crapuleux des frères Karamazov, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Et rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram pour suivre les programmes et avoir toutes les informations de nos émissions.